3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh. Sup, no. Stop! Give her what she wanted through to Sunday. Voilà, et voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, le triple lose. Et 1, et 2, et 3, 0. Bon, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle d'Enix. Il y a peut-être des semaines, on aimerait ne pas en parler. Hein, on aimerait ne pas en parler parce que bah, la semaine, elle est pas terrible, terrible, quoi. Hein. Seb, comment ça va mal? J'ai vomi deux fois, je crois, ou trois. Ouais. Genre, voilà, la gastro-basket basketologique que nous avons fourni. Gastro-anténix. Oh putain. Ah ouais, non, mais là, ça m'a purgé, quoi. Je me suis. Aïe. Bon, ça ne va pas, mais on va en parler, parce qu'on est là pour en parler. C'est un petit peu le service après-vente. Ah. Cette place est sûre, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans les limites du raisonnable, évidemment. On va encore parler de ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue. La planète Orange and Blue, elle tourne plus très très rond en ce moment. Ça va pas très bien du côté d'Enix, ça fait un petit moment, le changement d'année ne se passe pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Eh ben, vous le savez, il y a quand même beaucoup de choses à se dire, et on va essayer d'en parler. On va essayer de garder notre calme, ne pas trop insulter des mamans, des générations, des joueurs, des coachs, on va pas insulter, mais... Non, parce qu'on n'est pas des fans qui insultons, on va être chafouin. Ah, il y a de quoi. Allez, eh ben écoute, au rayon du chafouinage, on perd pas de temps, on lance le petit jingle et on regarde ce qui se passe dans ce nouvel épisode de Avenix Week sur KNF TV, le 143, 144, je ne sais même plus. Bref, le nouvel épisode, c'est parti, let's go. On a vérifié, c'est bien le 143e épisode. Et on va se donner quand même un petit peu de baume au cœur en ce début d'émission, en ce début de semaine, parce que oui, ça peut pas aller plus mal que ça, de perdre 3 matchs, hein. On va pas en perdre 4, puisqu'il y en a 3 cette semaine. Et en tout cas, on va se donner du baume au cœur avec les événements associatifs, et ça y est, enfin, elle est arrivée. Et ben oui, quasiment un an, jour pour jour, nous y étions, le MLK Day, I have a dream, voilà, on y était avec la KNF. Le premier des deux voyages associatifs, c'était il y a un an. Voilà, c'est ça. Pour le MLK Day, c'était à l'époque face à un certain Trae Young. Oui, il jouait encore dans l'équipe des Pew Pew, les équipes des Atlanta Hawks. Et on avait la chance et le privilège de pouvoir assister à cette rencontre un peu particulière, parce que le MLK Day, voilà, c'est une des journées marquantes du calendrier de la NBA. On aime un petit peu voir ces matchs marathons qui s'enchaînent tout le long de la nuit, qui commencent assez tôt et qui ont pu commencer assez tôt pour nous l'année dernière au Madison Square Garden. Voilà, ça y est, la vidéo officielle des deux voyages, parce qu'il y a eu deux voyages la saison dernière, d'où le fait qu'il y avait un petit peu plus de travail, et puis on se gardait ça pour le bon moment, pour commémorer un petit peu ces événements associatifs. Elle est disponible sur la chaîne associative, sur la chaîne YouTube, ouais, parce que YouTube c'est peut-être moins associatif, mais sur la chaîne de l'association sur YouTube, vous pouvez la voir dès à présent. N'hésitez pas à mettre un petit like, et puis, je sais pas, ça vous donnera peut-être envie de partir avec nous prochainement. À vrai dire, on part dans 2 semaines pour Washington DC, une autre expérience à vivre avec une bande d'irréductibles supporters. Bref, on vous racontera tout ça, mais en tout cas, pour les petits souvenirs de New York et de Miami, c'est disponible dès à présent sur la chaîne de l'association. Événement associatif, en veux-tu, en voilà. Eh bien, n'oubliez pas, il y reste encore la possibilité, non pas de s'envoler avec nous, mais de nous rejoindre samedi pour la KNF Viewing Party, pour fêter les champions de la Cup, comme Seb aime bien le faire, ou des All-Stars, on sait pas. Bah oui, cette semaine, les All-Stars vont être annoncés. Donc voilà, il y en aura combien à New York? Au moins un? Plusieurs? Les autres seront... les autres All-Stars seront frauduleuses. Ah, écoute, on verra. C'est un concours de popularité. Verra où se situe l'Enix dans ses votes. En ce moment, en tout cas, c'est pas par les résultats collectifs qu'il brille. Mais on aura quand même l'occasion de les supporter, parce qu'on les supporte toujours dans la victoire comme dans la défaite. Et on espère que samedi, ça sera plutôt une victoire. Le jeu des pronos, c'est pour la deuxième partie de l'émission. En tout cas, vous avez l'endroit, l'heure et l'affiche du rendez-vous de samedi pour notre nouvelle KNF Viewing Party, la première de 2026. Oui, oui, ça sera face aux Philadelphia Sixers. C'est samedi, pas dimanche, samedi, hein. Vous ne trompez pas. La dernière fois... Si vous dimanche, bon, bah, il y aura moins de matchs. La dernière fois, Embiid nous avait fait la chanson et... Ouais, ouais, ouais. Les Philadelphia Sixers qui auront un bilan de 2 victoires à 0 pour le moment en saison régulière. On les avait affrontés en pré-saison et c'était plutôt le bilan inverse, les Knicks. Ouais. Et deux fois à la maison. Mais là, voilà, deux défaites à la maison. Le match aura lieu non pas au Madison Square Garden, mais à la Wells Fargo Arena, une salle qu'on avait visitée et pour laquelle les Knicks avaient été gagné un match il y a deux saisons de ça. C'était notre voyage associatif il y a deux saisons. Il y a fort longtemps. Et oui, le temps passe vite. Quand les Knicks gagnaient, c'était en 2025, ça. Ça, c'était en 2025. C'est vrai que 2026, les victoires se font rares. Mais bon, sait-on jamais. Peut-être que les Knicks ont besoin de la KNF pour gagner, et auquel cas on va très bientôt leur donner de la force. De la force, il y en a eu. De la force, il y en a eu un paquet. Parce que samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, les Knicks recevaient, enfin le Madison Square Garden, le MSG, le Garden, voilà, recevaient de nouveau les Knicks, et pas que l'équipe actuelle, mais une brochette d'anciens. Ils étaient nombreux, hein. Ils étaient très nombreux, une cinquantaine d'anciens joueurs ou représentants de joueurs, parce que oui, certains malheureusement nous ont quittés, et ils étaient bien représentés par des membres de leur famille. Mais on a eu l'occasion de voir tout un tas de visages, alors des célèbres, des moins célèbres, des fameux, des anecdotiques, des joueurs qu'on avait oubliés qu'ils étaient passés par New York, des joueurs qu'on aurait préféré aimer oublier qu'ils s'est passé à New York, parce que pas forcément synonyme des meilleures années, des meilleurs souvenirs des Knicks. Mais voilà, il y avait un événement, un rassemblement d'anciens. Ça permet de montrer que bah, cette franchise, elle est quand même un peu à part dans cette ligue. Voilà, c'est New York, c'est une ville à part, c'est les Knicks, c'est une salle à part, c'est des couleurs à part. C'est une franchise atypique qui aime tout de même célébrer ses anciens joueurs. Pas forcément gloire tout le temps, mais bon, passons sur les adjectifs qu'on pourrait mettre derrière ses représentants. Once a Knicks, always a Knicks, c'est la devise. Et en tout cas, ça marche complètement quand on voit tous ces visages. Bon, Seb, on a eu l'occasion un petit peu avant l'émission de redébriefer sur les visages, certains qu'on n'avait pas reconnus sur le moment, parce que bah, les années passent et les looks changent, parfois. Les physiques aussi malheureusement. Ça ne rejeunit pas tout le monde. Mais voilà, il y avait des surprises dans cette assemblée, dans ce gratin de 50. Lesquels t'ont été pour toi les plus surprenants et quelle valeur sûre tu t'es dit, bah, bien sûr, lui, il pouvait ne pas être là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit événement? Après, évidemment, qui pouvait être là, évidemment, les champions, les anciens champions, ceux qui restent. Walt Frazier, Bill Bradley. Alors après, bon, Earl Monroe, il n'était pas là. Non, il était représenté. Il a a priori des petits pépins de santé. Ouais. C'est vrai que. Là, j'ai pas vu aussi. Alors peut-être qu'il était caché dans la foule, Bernard King. Qui pourtant est souvent là. C'est vrai. Mais là, je l'ai pas vu sur la photo ni sur les vidéos. Il est souvent présent au Madison Square Garden en plus. Alors c'est un petit peu peut-être l'oubli, le manque. Alors, mais tu sais, c'est comme lui et pourtant il est souvent, mais là il n'y était pas. Après, c'est vrai que souvent dans l'équipe de 99, on voit évidemment à la Houston, la 13 Prewell. Bon, évidemment Patrick Ewing était là. Marcus Camby, Kurt Thomas. Mais étonnamment, que ce soit Charlie Ward ou Chris Childs, ils sont jamais là. Chris Childs était là, mais il Charlie là Ward, je l'ai pas vu. Mais ouais, Charlie Ward, ça fait, moi, il est jamais cité lui en fait. Alors, je sais pas, il a dit. C'est assez rare effectivement. Donc. Bon, après l'âge de guerre n'a pas été enterré avec Charles Oakley. Bon, ça c'était prévisible. Et après, bon, écoute, dans les visages plutôt truculents. Charles est là. En mode Child est là, lui. Alors, Mike Sweetney, d'ailleurs, quand on l'a vu, je me suis dit, putain, mais c'est Mike Sweetney. Tu m'as fait, oui, oui, ah ouais, Mike Sweetney. Oui, oui. Il a pas tellement changé. Non, bah, en même temps, ouais, Mike Sweetney était là, donc ouais, assez marrant. Jérôme Williams était là, bon, ok, d'accord. Qui après, Reynaldo Balkman aussi, donc le joueur, attention hein, à ne pas confondre avec Rolando Blackman, puisqu'on en a parlé avant. Là, on parle donc du joueur des années 2000, quoi, du rookie des années 2000. Ouais, bon, ok, d'accord. Bon, il était là, pourquoi pas. Baron Davis, ouais, on a ratissé large. C'est-à-dire qu'on est allé de Walt Frazier à Mike Whitney ou Ron Artest, quoi. Enfin, non, Meta World Peace. Donc, c'est vrai qu'on a ratissé. Il y a des joueurs qui ont fait des passages plus ou moins marqués, remarquables. On a du Casey Russell. Bob McAdoo, Eddie Curry, voilà. Shumpert, après, Smith. Après, ouais, mais c'était marrant parce que du coup, il les avait réunis par époque. C'était chouette, c'était marrant de les revoir un peu par époque. Non, bon, écoute, mais c'est dommage que du coup, nos joueurs leur ont bien rendu hommage, quoi. Ah, une petite victoire aurait permis d'éviter de gâcher la fête. Parce que voilà, il y avait des sourires, c'était un bon petit moment. Les Knicks ou les représentants des Knicks, la délégation, étaient représentés aussi à la Bourse de New York, à Wall Street, quelques jours plus tôt. Alors, pas la cinquantaine, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une volonté de se remémorer. On parle souvent du fait que les Knicks n'a pas gagné beaucoup de titres. Ok. Que les retraits de maillots, c'est compliqué. Ok. Ceci dit, bah, ils sont souvent présents en court side, ils sont souvent remémorés au travers de quelques petites vidéos. Et ça, on ne le voit pas forcément dans toutes les autres franchises. Alors, on n'a pas la prétention de dire qu'on regarde tous les matchs de toutes les franchises, clairement pas. Mais voilà, en tout cas, c'est pas. Voilà, il y a une sorte de lien qui reste, même si il y a des joueurs qui sont passés furtivement dans cette équipe. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est répondre à l'appel. Des joueurs qu'on voit souvent. C'est Tim Thomas et John Wallace. Bon, John Wallace, toujours un peu là. Ouais, toujours, ouais, ils ont des agents, les mecs. Ils sont très forts. Encore, alors, John Wallace, c'est un ancien de Syracuse. Voilà, il y avait un petit peu des connexions avec l'État new-yorkais. Je sais pas s'il est dedans. J'avoue, je sais pas sa bio en tête, mais. Je sais pas. Alors, au rayon de la petite anecdote. On avait fait un voyage associatif, parce qu'on en fait beaucoup, j'en parle beaucoup là, et c'est vrai qu'on va préparer les balises très prochainement. On avait fait un en 2023, et on s'était déplacé à Los Angeles pour la double confrontation face aux Lakers, puis aux Clippers. Alors, c'est peut-être le sens inverse. Ça va être les Clippers, puis les Lakers. Et en sortie de la Crypto.com Arena, lorsque bah, tous les fans quittent la salle, défaite des Knicks pour le coup, parce que voilà, face aux Clippers, c'était plus compliqué que les Lakers à l'époque. Et ben sur qui je tombe, je vois un grand là avec sa casquette et je fais mais c'est lui, mais bien sûr, c'est John Wallace. Et donc je l'interpelle, je lui fais John Wallace, et puis j'ai fait ma petite photo, mon petit selfie. Il n'était pas trop embêté par les fans, parce que voilà, les gens le reconnaissent pas forcément, c'est pas le qu'est-ce qu'il faisait emblématique. Parce qu'en plus, il est surtout passé par Boston après. Il a joué un peu à Boston après, il a fait qu'une saison hein, au Knicks en 98-19, là je sais plus exactement. Et puis derrière, il y a un trade. Et après il part à Boston, ouais. Ouais, une carrière assez courte, mais bah, il est toujours consultant un petit peu, ou enfin intervenant sur MSG Network, donc voilà, il devait être en voyage d'affaires, un voyage pro, quoi. Hein. Oui. Et voilà. Et John Wallace, voilà, c'est un joueur qui fait partie de mon Wall of Fame, des joueurs que j'ai pu rencontrer... des anciens joueurs que j'ai pu rencontrer en NBA. Voilà, en tout cas, c'était un bon petit moment qui aurait pu se poursuivre par une victoire pour un retour des Knicks à New York, mais non, c'était pas le cas. Et puis, au rayon des anciens qui font parler d'eux, bon, Melo, il fait souvent parler de lui, hein, est-ce qu'il aura ou pas un jour son numéro retiré ? Ah là là, est-ce qu'il y aura peut-être une vitrine en hommage de ses 62 points qui sont encore aujourd'hui le record du Madison Square Garden et le record pour un X en termes de scoring. En tout cas, il a un peu fait parler de lui avant, non pas dans ses podcasts, non pas avec des déclarations, mais il sera coach. Oui, t'as peut-être pas suivi, il sera coach du Rising Star avec Tracy McGrady, Vince Carter et Austin Rivers. Bah, comme quoi, trois anciens Knickerbockers pour être coach du Rising Star. Bon, oh, c'est un événement. Je suis pas sûr qu'on va le suivre beaucoup, celui-ci. Non, on aura l'occasion de voir Melo à LA pour les festivités. Ça se passe à Los Angeles, le All-Star Game. Ouais, Los Angeles. Alors après, je sais pas si... Où ça font... À laquelle ? À la crypto ou à l'Intuit Dome. Sûrement plus à l'Intuit Dome, histoire de booster la salle. Voilà, c'est la toute dernière. Elle est un peu plus moderne aussi. Il y a un nombre de toilettes ahurissant. Hein, c'est ça qui avait beaucoup fait parler. Mais Ouais, mais voilà, en tout cas, c'est Mello sera de la partie. C'est accueilli par, c'est marqué là sur Wikipédia par donc les Los Angeles Clippers. Voilà. Ok. Okay. Donc ça se jouera bien à l'Intuit Dome. Mello qui avait été un joueur des Lakers, est-ce qu'on aura des Français au Rising Star Challenge? Est-ce qu'on aura Paco Mdadier? Est-ce qu'on aura Mo Diawara? Peut-être un peu compliqué, un petit peu short. Même s'il fait des petits passages, c'est sympathique, c'est mignon et on lui donne toute la force qu'on peut en tant que supporter. Des Français rookies ou en année 2 qui sont Franck. Pas trop mal. On a, je pense, Maxime Reynaud qui peut être dans une sélection All-Star rookie. Pour les deuxièmes années, je pense que Tijan Salon est en train un petit peu d'éclore là. Il fait. Ouais, mais il y a Alexandre Sarr sûrement. Il y a Alexandre Sarr. Zachary Risaché quand même. Pas gagné pour Risaché, je sais pas. Mais pourquoi pas, hein. Après, c'est quand même un first pick quoi. Ça la fout très mal. C'est ça de dire ouais. Bah, bon. Dans l'histoire du Rising Star, il y a sûrement eu des first picks qui ont été oubliés. Mais après. Pense à toi, Anthony Bennett. Ouais, mais après non, je pense pas, je pense que nos Français c'est trop court. Tu disais ça sur le troll pour Dadier, mais après derrière pour Diawara ça sera trop. Il y a pas assez de, enfin l'échantillon est pas assez grand. Il faut quelques faits marquants qui des highlights. Moussa Diabaté, il a quoi? Il a 3-4 ans maintenant de carrière NBA ou 4-5 ans, non? Donc ouais. Il lui rentrera pas dans les critères. Je réfléchissais aux Français qui marchent bien jeunes. Et puis après sur les derniers, Nolan Traoré, non, je pense que ça sera trop court. Noah Penda, ouais, encore, je sais pas, je pense pas. La QV de draft, il y a quand même, enfin chez les rookies, il y a quand même pas mal. Il y a du monde, il y a de la concurrence, ouais. Et avec des niveaux quand même un peu plus. Donc ouais, non, je pense que nos petits bleus. Sarr, ouais, je pense que t'as raison pour Risaché, peut-être Salon. Peut-être. Mais après, derrière, ouais, non, c'est trop court. Ça sera pour février. Ça sera après notre voyage. En attendant, les Knicks, on va en parler quand même, parce qu'on a parlé des belles choses. On est obligé. Mais... On peut pas parler d'autres choses, tu sais. Je sais pas. J'ai vu un film ce week-end. Ouais, du soleil, des étoiles. Ça s'appelait Moonfall, c'est l'histoire de la lune qui tombe. on peut parler de cartes si tu veux. Tu veux qu'on parle? Vu que j'ai cherché mes chats, on peut parler de chats, on peut parler quoi? Qu'est-ce qu'on. Parlons des chats, mais parlons de chats, parlons de cape peut-être. Oh il va falloir. Allez, on va pas pouvoir tourner autour du pot. L'Enix, ça va pas en ce moment. C'est compliqué à plein de registres. Il y a des blessures, il y a des retours de blessures. Josh Hart, la semaine dernière, on l'encensait, on disait « Ah, ça y est, depuis que Josh Hart va, tout va. » Bon, c'était sur un match. Bon, depuis, Josh Hart, il est retourné sur le banc, il est retourné à l'infirmerie. Ouais. Et il y en a un autre aussi qui s'est blessé cette semaine, et c'est pas des moindres, c'est Jalen Brunson. Et puis, j'aime pas ça, moi, ce genre de blessure tout seul, là. Tout con, sans contact, le pied qui accroche dans le parquet, et puis la cheville qui tourne au début de la rencontre face au Sacramento Kings, défendu par qui? Maxime Reynaud. Ah, le poissard. Il lui fait pas comme s'il lui marchait. Il y a zéro contact, c'est juste, la cheville qui accroche, et puis du coup, ça tourne. Alors, on sait que Jalen Brunson, il joue en chaussures basses, on sait que Jalen Brunson, il a les chevilles entre guillemets fragiles. Ça commence quand même, il a commencé à avoir un petit passif là maintenant. Oui, et en même temps, c'est un joueur qui se ménage pas, c'est un joueur qui va souvent au contact, qui finit souvent au sol, qui est un petit gabarit par la taille, mais costaud autrement sur le reste de son morphotype. Et il se ménage jamais, il prend des charges aussi. En termes de défense, c'est pas le plus gros défenseur, mais il n'hésite pas à donner son corps pour la science, pour essayer de provoquer des passages en force. Et changement de direction, et un joueur qui est souvent beaucoup défendu. Donc là, ça se produit sur une action qui est au contraire loin de tout contact, loin de tout vraiment pressing défensif. Et ça a un petit peu torpillé la semaine. On pense qu'effectivement, avec Jalen Brunson, les matchs se seraient sûrement passés différemment. Le capitaine n'étant pas là, il va falloir que d'autres joueurs élèvent le niveau. Spoiler, ça n'a pas été le cas. Et puis au rayon des blessures, en veux-tu, en voilà, on a un retour. On a un retour de Landry Shamet cette semaine. Ça faisait un petit moment. On ne savait pas s'il y avait à avoir opération, pas opération. Il était plutôt de bon ton d'entendre dire que c'était une rééducation sans opération. Ça a pris le temps qu'il fallait pour cette dislocation de l'épaule. Il avait été très bon en son début de saison, Landry Shamet, à tel point qu'il était même titulaire en début de saison à la place de Josh Hart, par exemple, pour apporter du shoot à 3 points, et parfois on en a besoin. Voilà, donc un retour à la compétition depuis 2-3 matchs, je sais plus, attends, j'ai un doute. Il est revenu sur le match de Sacramento, Landry, ou c'était sur le match... c'était le match d'après, c'était le match d'après. Je vais te dire... Je vois pas sur la feuille de stats, c'était sur le match face aux Warriors. Face aux Warriors, ouais. Donc bon, c'est un petit peu le chassé-croisé en termes de blessures et en entrée, ressortie de l'infirmerie. Alors bon, est-ce qu'on a absolument besoin de Landry Shamet pour performer cette saison? Ça peut aider, clairement. C'était un joueur qui a été dans les petits papiers de Mike Brown, mais on a su faire sans. Par contre, sans Josh Hart, c'est plus compliqué. Sans Jalen Brunson, c'est tout de suite plus compliqué. Mais bon, on a une équipe qui a de l'ambition. On a une équipe... Je ne me cacherai pas, moi, derrière ça. Moi. Non, c'est ça. On a une équipe qui a de l'ambition, qui se veut avoir une profondeur de banc, voilà, plus ou moins exploité par un coach qui se veut aussi pouvoir utiliser d'autres joueurs que son prédécesseur n'aurait peut-être pas autant utilisé. Et pour autant, c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué depuis le début de l'année, c'est compliqué depuis le succès en NBA Cup. Alors certains vont dire, il y a toujours un contre-coup, les joueurs et les équipes de cette NBA Cup, de ce dernier carré, sont dans la difficulté. Oui et non, les Knicks sont le plus dans la difficulté, en tout cas depuis une dizaine de matchs. Hein. On a un triste bilan de 2 victoires et 8 défaites, et l'adversité n'était pas non plus la plus redoutable, même si des équipes ont des belles formes, des bons passages. Les Sacramento Kings ont empoché quelques succès intéressants ces derniers temps, mais de là à ne pas pouvoir rivaliser face à une telle équipe, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant, et est-ce qu'on tire tout de suite la sonnette d'alarme? Est-ce qu'au contraire, à la Mike Brown, on essaye de se rassurer et de ne pas paniquer? On approche doucement mais sûrement de la trade deadline. Il y a des joueurs, en l'occurrence Pacom et Gershon, qui sont, semble-t-il, sur la sortie. Pour qui, pourquoi, qui va être intéressé, qui a envie de monter un trade pour... Pacom et Gershon et Pacom, voir est-ce qu'il faudra attacher des pics de draft à ces joueurs pour récupérer quelqu'un, pour dynamiser le banc, qui, quel profil, est-ce que c'est le banc aujourd'hui qui pêche, est-ce que c'est les cadres qui pêchent, bref, tout un tas de questions. Seb, t'en penses quoi de la méforme actuelle d'Enix? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Qu'est-ce qui pourrait nous rassurer? Est-ce qu'on peut faire pire? Difficilement. Est-ce que le road trip était trop pour les Knicks? Est-ce qu'au contraire, revenir un petit peu à la maison va permettre de retrouver un peu de sensation? En même temps, on l'a vu, face à Phoenix, ça a été un match disputé. Oui, c'est une défaite à la fin, mais est-ce qu'il y a quelques éléments rassurants dans tout ça? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vois pas grand-chose de rassurant là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les matchs, tu peux presque prédire le score en fin de match, enfin en tout cas l'issue du match, dès le départ, par rapport à l'énergie qui est déployée par l'équipe. Et moi, ce que je disais l'autre jour là, sur un groupe de discussion avec des copains, j'étais... hyper hypé, il y a un peu tout qui revient en pleine gueule, hyper hypé par Mikal Bridges, hyper hypé par la fin de la saison dernière, le début de cette saison, on a changé Tom Thibodeau, on fait venir un nouveau mec, Mike Brown, j'étais plutôt hypé par sa venue, par son discours, par en me disant mais tiens ça va essouffler quelque chose. Il communique bien le coach, hein, ouais. Il a dit on s'est fait botter le cul. Il emploie les mots, il met les termes, il rigole, tout ça. Et voilà, d'un point de vue communication, ça passe bien auprès des médias. Pour l'instant, on ne parle pas vraiment d'un poste. Il n'y a pas les fesses qui chauffent, Mike Brown. Voilà, il y a une certaine forme d'immunité pour l'instant. Le coach n'est pas vraiment dans le viseur. Non, le coach n'est pas dans le viseur. Donc ça, il est hypé par ce mercato hivernal, enfin estival, avec Gershon Yabusele, avec Jordan Clarkson. Et un mois de novembre, décembre, et là, tu sais pas ce qui se passe. Il y a tout qui se casse la gueule. Et j'ai presque envie de te dire que, par exemple, le match des Suns à la maison, le dernier, était presque un peu symptomatique de notre début d'année. C'est-à-dire qu'on arrive à faire des runs, et après, derrière, il y a tout qui se casse la gueule, tu sais pas pourquoi. D'un coup, l'équipe n'arrive plus à jouer son basket. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à faire un stop défensif. On n'arrive pas, s'il n'y a pas Jalen Brunson, il n'y a personne qui arrive à mettre le ballon dans le panier. Si, Juice McBride, c'est notre vraiment Juice McBride, notre deuxième option, celui qui doit c'est celui qui doit prendre ses responsabilités, aussi bon soit-il. Je ne dis pas le contraire. Mais en regardant un petit peu, parce que effectivement, avec l'arrivée d'un coach qui devait dynamiser le jeu offensif, débrider certains joueurs, en la personne de Mikal Bridges par exemple, et ben en regardant un petit peu à mi-saison, parce que ça y est, on est à la mi-saison. Les Knicks sont troisième de cette conférence. Est-ce qu'ils pouvaient espérer mieux? Oui, largement. Est-ce que c'est dramatique? Non, il y a pire, il y a pire. Mais si on s'attarde vraiment sur le cas des Knicks, est-ce que les joueurs ont progressé? Est-ce qu'ils sont plus performants? Eh ben, c'est difficile de le dire. Il y en a deux qui performent bien. Juice, sorti de banc, il fait une très bonne saison. Alors, il y a des moments où il y a des matchs qui seront moins dedans. Hein. Après, c'est Juice McBride. Sinon, il serait candidat autoproclamé au titre de meilleur sixième homme de l'année. Il y a des moments d'irrégularité aussi. Ça arrive dans la saison d'un McBride. Et puis, autrement, on a Jalen Brunson qui tient son rang, voire qui score plus, qui performe avec un temps de jeu comparable. Sinon, tous les autres, c'est moins bon. C'est moins bon, ça performe moins, ça stat moins. Alors ça stat moins, il y a stat et stat, mais pour une équipe qui doit scorer plus, qui voilà, alors il y a peut-être moins de temps de jeu. Ok, peut-être, ok. On a un Jordan Clarkson en sortie de banc qui apporte une dizaine de points, 10-12 points par soir. Enfin, lui, il faut qu'il arrête de se prendre pour Curry Prime, hein. Vraiment. Jordan Clarkson, quand il prend ses 3 points en première intention, j'ai envie de rentrer dans la télé et de le secouer. Non, mais il faut qu'il arrête. Attends, je vais te donner ses stats en carrière à 3 points. Jordan Clarkson, d'accord, ça n'a jamais été un shooter à 3 points. Ça n'a jamais été un shooter à 3 points. Il faut qu'il arrête avec ça. Il faut qu'il arrête. En fait, moi, je me pose la question, est-ce que c'est lui qui s'invente une vie en Onyx en disant voilà, ou est-ce que c'est le coach aussi qui lui demande de cette prise de cette shoot année. Cette année, il est à 33% à 3 points. L'année dernière, il était à 36. L'année d'avant, 29, 33, 31, 34. Enfin, je veux dire... C'est pas un joueur catalogué shooter à 3 points. Il a en plus d'autres capacités. Mais non. Donc, arrête, en fait. Arrête, là, ici. Quand il y a une contre-attaque, putain, je préfère que tu ailles chercher 2 points sûrs, que tu te dises, tiens, je m'arrête, je prends un pull-up 3, boum, fond d'arceau. Mec, arrête. Mais c'est là où moi je me questionne en fait sur le coach. Je rappelle tout de même que Mike Brown est plutôt étiqueté coach défensif. Il voulait un passage aux Warriors aussi. Il voulait Borrego en adjoint pour justement contrebalancer ses carences offensives. Au final, et c'est ça qui est ironique, c'est qu'au niveau de l'offensive, jusqu'à présent, hein, parce que là maintenant, en fait, il n'y a plus personne qui arrive, mais jusqu'à présent, on arrivait à faire des trucs, et c'était défensivement qu'on prenait l'eau. Et là, maintenant, il y a tout qui va plus, il y a tout qui a explosé, on a le quand même... On avait des matchs où on était à 70 points à la mi-temps. Depuis le début de l'année. Où, on arrivait à un scoring quand même très élevé, très up-tempo. Depuis le début de l'année, on est quand même avec le deuxième... rating défensif le plus mauvais derrière le Jazz. C'est-à-dire qu'il y a le Jazz et il y a nous. Ça, c'est une équipe qui a des ambitions. Faut arrêter. Alors, un grand philosophe a dit la défense, ça fait gagner des matchs. Bon, bah oui. Des titres, pardon. Mais oui. Mais il y a défense et défense, là on défend plus. Oh. Alors oui, peut-être qu'il y a le jeu de on va marquer plus que vous, donc à la fin on gagne. Ouais, sauf que ça on fait plus. Ils tous sur l'adresse, on n'a pas cette régularité-là. Comme tu le dis, il y a des joueurs type Jordan Clarkson qui sont pas forcément des valeurs sûres au shooting. Alors peut-être qu'un retour de Landry Shamet, ça aidera un petit peu à rééquilibrer tout ça. À voir. Mais ouais, on est dans une. On se cherche en fait. L'équipe se cherche en ce moment. Quand je vois d'autres équipes à qui il manque des joueurs importants, je les vois jouer. Je vois l'intensité qu'ils mettent. Disons que des fois, les Knicks sont quand même souvent les premiers matchs de la nuit. En tout cas, quand on joue à l'Est, on a souvent les premiers matchs de la nuit. Vu qu'on rencontre plus souvent les équipes de l'Est que des équipes de l'Ouest, ben forcément, première partie de nuit, tu as souvent les équipes de l'Est et deuxième partie de nuit, les équipes de l'Ouest. Ça m'arrive des fois de regarder les Knicks, évidemment. Et après, derrière, de switcher. En plus, maintenant, tu peux avoir sur deux écrans. Tu peux choisir. Donc, quand il y a un temps mort, tu peux switcher sur l'autre écran. Et puis, en deuxième partie, des fois, j'aime bien regarder une équipe de l'Ouest. Tu vois, cette année, j'aime bien suivre un petit peu Portland ou les Kings. Enfin, voilà. Mais, punaise, des fois, tu prends en fait une claque en termes d'intensité qui est mise par... Quand t'as vu les Knicks jouer et quand tu vois les autres équipes jouer. Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Mais nous, en fait, on joue en marchant. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de combativité. T'as l'impression que rapidement, on est abattu. On l'avait un peu plus en début de saison où il y avait du mouvement, du rythme. Et je me suis dit, tiens, c'est la nouvelle touche de Mike Brown, nouveau jeu, avec un Mikal Bridges qui était un peu plus porteur de ballon que Brunson. Et j'ai l'impression que ça s'est délié, ça s'est dilapidé. Il y a tout qui a disparu. Alors après, il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être des blessures, il y a eu des pépins. Admettons. Les autres aussi. Tout le monde est pareil à ce stade de la compétition. Tout le monde est pareil. Il ne faut pas se cacher en disant, ouais, oh le pauvre, non, parce que en fait, non, mais surtout, style, une philosophie de jeu que tu veux instaurer, tu veux l'instaurer tout le temps. C'est pas juste passager. C'est pas juste là, tiens, on joue vite en ce moment parce que. Non, voilà, ça va prendre sur la régulière. La régulière, c'est un marathon. C'est long. Il y aura des périodes de haut et de bas. Bah, là, on est dans les périodes de très bas. Hein, on gagne plus. Et puis voilà, il y a du doute. Il y a des joueurs qui se cherchent, qui se trouvent pas dans ce système. Et en l'occurrence, Karl Anthony Towns. Ouais, je me dis. Est-ce que... Alors, évidemment, du coup, il y a un nouveau coach, donc pas évident de devoir s'acclimater à ça. Mais on a su, en tout cas, qu'il y avait eu friture sur la ligne entre lui et Karl Anthony Towns en début de saison. Quid de la relation entre les deux hommes? Comment ça se passe? Là, le match, c'est contre les Kings, non? Ou contre les Warriors? Où il tarde à revenir là il y en a un, il est contre les Blazers où il est benché en fin de match, contre les Kings où à un moment donné il lui hurle dessus parce qu'en fait il fait une contre-attaque, vu qu'il chiale une action sur deux, il tombe et il pleure machin, il y a une contre-attaque de je sais plus si c'est les Warriors mais je crois que c'est les Kings et en fait donc on fait un stop. Sauf qu'en fait, il est parvenu, enfin... Non, et donc en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de choses, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'équipe n'adhère pas à Mike Brown? Est-ce que c'est Mike Brown qui a du mal à comprendre son équipe? Est-ce qu'il y a un manque de compréhension entre tous, notamment avec Anthony Towns, qui est normalement la co-star de cette équipe. Towns comprend bien les systèmes de Mike Brown? Est-ce qu'il y a un QI basket suffisamment élevé chez Towns pour comprendre? Ou est-ce que c'est pas assez clair chez Mike Brown dans son explication de ce qu'il attend de Towns? Quoi qu'il arrive, on est quand même sur un joueur actuellement de Karl Anthony Towns qui est hyper décevant, quoi. Qui est hyper décevant. Au rayon des éléments qui peuvent poser interrogation sur le K4, il y a les rumeurs qu'on entend à droite à gauche, qui, a priori aussi, il y a eu des discussions cet été sur un trade de Giannis. Donc forcément, le 4, il sait très bien qu'il est dans le viseur parce qu'il connaît son salaire. Il sait aussi le poste qu'il occupe. Il sait que c'est pas pour faire la paire avec Giannis. Il y a les histoires de blessures. Il a été blessé à la main, il n'avait pas été opéré. Il y a Alan Hahn qui est un insider et un, très proche, enfin, Denix pour cause, il fait les interviews post-game sur le terrain, qui se questionnait récemment, il a fait un post sur son profil, justement, où il disait, mais voilà, en ce moment, le 4, on le retrouve pas, on le reconnaît pas, il va falloir trouver comment activer le bouton Karl-Anthony Towns, parce que il est en péril, ce joueur. Alors oui, il va avoir des stats, il va faire du 20-10, parce que bon, bah, les rebonds, attends, il est dans la raquette, il est grand, il les prend. Karl-Anthony Towns, justement, depuis 2026, tous les matchs de 2026, d'accord, je compte pas les Spurs, et Atlanta, il l'a pas joué. Il est donc actuellement, donc il a joué en tout 8 matchs, il est sur une moyenne de 17 points. On parle quand même d'un mec qui prend 50 millions. Qui est sur une moyenne de 17 points. Non mais c'est un All-Star. All-Star, All-NBA. 17 points, 10 rebonds. Qu'est-ce qu'il fait donc? Ensuite, il fait 3 passes, 47% au shoot et 31% à 3 points. Tout ça en 31 minutes. Ah, il est en baisse sur ses stats. Et moi, alors, le match qui m'a choqué, c'est le match face aux Kings. Il y a un tir à 3 points pris. Ouais. Bon, il le loupe, mais il y en a un. Pas parce plus, que CD contre les Suns, dans le quatrième carton, il fait 2 airballs. Hein, Oui, mais d'accord. Mais on est censé avoir un stretch 5, une menace offensive. Ah ouais, le mec, il prend un shoot à 3 points. Un shoot à 3 points. C'est ça. Ogil en a pris 6, il en a pas mis 1. On nous a vendu le spacing. Mika, il en prend 9. On nous a vendu le spacing. Ouais, le spacing. Le saint spacing. Ok. Bah voilà. Donc, y a une grosse interrogation. Alors, il y a l'envie. Il y a l'image qu'il donne sur le terrain. Mais c'est vrai que si on ne se sert pas de cette menace offensive, et il y a accessoirement une très bonne qualité de passe aussi. Voilà, on gâche aussi un peu, autant mettre Mitchell Robinson. Si c'est pour avoir un intérieur qui prend pas de shoot. Je trouve qu'il les associe de plus en plus. Je vois souvent cette association-là. Ils commencent pas ensemble, mais je trouve que dans le troisième quart-temps, souvent, ou deuxième, on les voit ensemble. Ouais, on les voit ensemble. Manque de bol, le troisième quart-temps, c'est en ce moment où on lâche de la distance. OG Anunoby, depuis 2026, donc il tourne à 18 points. 18 points, quasiment 6 rebonds, 2 passes et demi. Plus d'un ballon volé par match, mais lui c'est pareil, 31% à 3 points. On veut être une équipe de snipers et on a forcément plus des snipers. On a plus d'adresse. OG Anunoby n'a plus d'adresse et c'est Mikal Bridges encore qui s'en sort au niveau de l'adresse, qui est pas le pire. Mikal Bridges au niveau de l'adresse à 3 points, il est à quasiment 36%. Ouais. Mais Mikal Bridges, c'est pareil. Mais moi, Mikal, j'ai toujours eu un souci en me disant, bon, quel joueur ça va être. Mikal, c'est 15. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Mikal, c'est 15 points, 4 rebonds, 3 passes. Pareil, un ballon et demi volé. Split 53% de réussite au shoot. Et 35%, 36% à 3 points. Ouais. Mais autant tu as dit. Le match des Suns, voilà, c'est symptomatique, enfin c'est révélateur. Bon, il n'y a pas du Brunson, tout ça, donc c'est vrai qu'en fin de match, là où c'est serré, ah, ça change beaucoup de choses. On s'en remet beaucoup à Brunson. À un moment donné, on fait un run de fou, on fait un 18-5 ou un truc comme ça. Ah oui, mais non, mais c'était un match, limite c'était le meilleur match de la semaine. Le match face aux Suns, parce que c'était disputé, on va faire le débrief des matchs. Ouais, mais... on peut faire pêle-mêle parce qu'au final, tout est... En y revenant sur le cas Mikal, moi, c'est un lieutenant role-player, très bien. C'est souvent lui qui a le plus de temps de jeu. Il est toujours encore le joueur le plus utilisé. On a changé de coach, mais ça reste encore un profil qui est utile, qui peut être polyvalent, qu'on peut mettre à différents moments du match, sur différentes séquences, en différentes oppositions défensives. Celui qui a ce côté joueur un petit peu à tout faire, qui est avec Josh Hart, en fait, qui est beaucoup utilisé. Et on a changé de coach, et on se retrouve encore avec le plus gros temps de jeu concernant Mikal. Alors, les minutes ont baissé, voilà, il y a plus de rotation, c'est super, là-dessus on est très bien. Là, au niveau de la saison, on va rien redire sur les minutes. Enfin, si vous parlez des minutes, je veux dire, à un moment, arrêtez de regarder la NBA. Mais, ok, donc là, les joueurs sont load managés. Il a perdu 2 minutes par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il était à 37, cette année, il est à 35. Et pour autant, son implication dans le jeu, est-ce qu'elle a augmenté? Il nous fait la même chose que l'année dernière pour moi. C'est du pareil au même, quoi. C'est du pareil au même. Et quand Brunson n'est pas là, quand on a un 4 qui est aux fraises, et ça c'est problématique, et il n'y a personne qui step up, quoi. Il n'y a personne, ou éventuellement, OG qui essaye. Et qui va perdre du ballon, qui va voilà, pas avoir la réussite, mais je vois plus de volonté, de détermination dans OG que dans Mikal. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai du mal avec... il a ce côté nonchalant. Il a ce côté nonchalant, Mikal. Il a ce côté... Sourire, je célèbre, ah là là là, quand j'ai mis un 3 points. Il a ce côté, tu sais... C'est ouais, pas l'ADN new-yorkais. Il nous manque un mec, tu sais, un Vislar, quoi. Il nous manque un Vislar. Non, mais vraiment. PJ Tucker. Non, mais tu vois, on l'a affronté, là, avec les Suns, tu vois, un mec à la Dylan Brooks. Tu vois, il nous manque un Vislar, comme ça. Josh Hart, il est pas... Tu vois, mais quand je dis Vislar, c'est pas le mec qui va mettre les pieds. Une force de caractère qui fait que ça... Ouais, c'est un mec... Mais on le disait l'année dernière. On le disait l'année dernière, en fait. On a changé de coach, on n'a pas changé l'effectif. C'est pas Clarkson, c'est pas Yabusele qui change la donne. Encore moins ce pauvre Gershon qui joue pas. Et ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, le caractère de cette équipe, c'est des bons gars, ils sont gentils. Ils rigolent, voilà. Par moments, ça va montrer les muscles vite fait parce que ça va mettre un gros tomard. Mais voilà, on n'est pas sur une équipe de fort caractère. Non, on n'a pas ça. Alors après, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas gagner. Hein. Je veux dire, voilà, le chemin est encore très long. Mais voilà, le mental pour se sortir des mauvaises passes, bah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Moi, je sais pas ce qui est... En fait, si tu veux, depuis hier... Le coach inspire pas ça. Hein. Le coach, il a l'air très, très jovial aussi. Attends, le coach, il est incroyable. Le coach, il a quand même dit... Il y a des inquiétudes, mais pas au point de tout remanier. Sauf que depuis le début de l'année, d'accord, c'est un des pires records depuis ces dernières années. 8 c'est le même bilan que les Pelicans, quoi. Voilà. Pire défense rating, pire efficacité au shoot. Deuxième pire efficacité en termes de perte de balle, de ratio perte de balle passe. Au niveau de la pace, pareil, on est la troisième, au niveau du rythme, on est la troisième pire pace, alors que lui, en début de saison, il disait il faut qu'on court, il faut qu'on y aille, il faut qu'on court, il faut qu'on mette du rythme. La preuve, ce n'est pas suivi. Troisième, au niveau des balles perdues, sanctionnées par des points. Enfin bref, des paniers, hein, inverse. Depuis le début de l'année, en fait, on est une équipe qui tanque. On est une équipe qui joue le first pick. Non mais, je sais pas si on... Dans les faits, non, mais... Non mais dans les faits... C'est le bilan qu'on propose. Sur les petits derniers matchs, on a le même bilan et que là, le Jazz et que les Pelicans, quoi. Alors, est-ce que lui aussi, il est groggy? Est-ce que lui aussi, il est un peu KO debout par rapport à ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que Léon Rose doit... Est-ce qu'il est descendu? Est-ce qu'il doit descendre? Est-ce qu'il doit aller pousser sa gueulante? Est-ce que les joueurs doivent... Est-ce qu'on va avoir un team meeting prochainement? Mais ouais. Est-ce que les joueurs doivent se parler? Est-ce qu'ils doivent se foutre sur la gueule pour crever les abcès? C'est peut-être cliché ce que je dis, mais des fois c'est ça qui marche. Ou en fait, à un moment donné, tout le monde met carte sur table, ça se bouscule, ça se machin, et ça se dit les vérités, et puis tu pars sur des basses scènes. Est-ce que ça passe par un trade? Est-ce que ça... Je sais pas, mais... On nous vendait un début de saison incroyable et on se retrouve en fait à faire jeu égal avec les Pélicans. Il y a de quoi être déçu de ce début 2026. Et attention parce que ça revient fort derrière. Et au niveau du classement maintenant, on a 2 victoires d'avance sur les équipes du play-in. Ouais. On a perdu beaucoup de jokers. Voilà la saison qu'on aurait pu rêver à base de 60 wins. On en est bien loin. On est bien loin, d'un énorme run post-All-Star break. On a envie de voir les Knicks gagner, de voir les Knicks se retrouver. Après, certains disent ouais, mais regardez l'année dernière, Indiana, ils étaient dans ce cas de figure-là, et puis après, derrière, ça a cartonné. Oui, à la différence que Indiana, l'année dernière, n'était pas dans les contenders déclarés, voilà, avec une ambition de dire « on va aller en finale NBA ». J'essaie de me rassurer comme je peux, mon petit Joanny, j'essaie de me rassurer comme je peux, j'essaie de prendre des infos qui me mettent du baume au cœur. Effectivement, des équipes qui ont des périodes de bas et qui… L'important, c'est d'être prêt en play-off, au printemps. On se peut aussi se souvenir des Knicks l'année dernière, c'était compliqué par moment. Et puis, on fait un très beau run en play-off. C'est une autre compétition. Voilà, les joueurs ont step up l'année dernière en défense en play-off. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait plus tôt? On se demande. Peut-être qu'ils se réservaient. Je ne sais pas. Là, ils auront une cible dans le dos. Ils l'ont déjà. Ouais, ça va être compliqué. On ne se met pas dans des bonnes dispositions. Et puis les histoires de rumeurs, tout ça, la deadline, est-ce que ça va vraiment bouger côté New York? Moi, je pense plus à la marge. Donc, de toute façon, la solution, elle appartient aux joueurs, aux coachs. Oui, Brunson, quand il va revenir, ça va faire du bien. Oui, on a vu que Hart, quand il revient, bah, ça fait du bien, mais ça fait pas tout non plus. Ouais. Il y a moyen de s'inquiéter. Il y a moyen d'avoir une saison où, finalement, bah, ça se termine plus vite que prévu en playoff et ça sera une déception. Là, on dira, c'est Sonics. Voilà. Mais là, du coup, attendre justement une dégringolade, un faux pas d'Enix. Voilà, j'étais pas trop inquiet avant le début de la semaine. En fait, l'inquiétude quand même monte. Parce que ben, quand on voit comment on joue, en fait, c'est quand même inquiétant. Quand on voit contre les Warriors, notre coach qui fait des câlins, en veux-tu, voilà, alors qu'on vient de perdre avec notamment Draymond Green qui s'est comporté de façon exécrable avec Anthony Towns. Et mec, à un moment donné, maintenant, t'es le coach d'Enix. Je veux bien que tu aies connu des victoires, mais moi surtout ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il, quand il était coach de Sacramento, parce que Draymond Green c'est un vicieux. Et est-ce que. Bah, faute flagrante, il attrape les jambes de Kat sur son match. Mais est-ce qu'il faisait comme ça, Draymond Green, quand il était coach à Sacramento, et du coup, ben, ils sont dans la même division, donc ils se sont rencontrés minimum 4 fois, il a été coach pendant 3 ans, donc ils ont eu le temps de se faire des câlins, mais là, je trouvais que les câlins étaient quand même très poussés, quand on voit un peu des fois les déclats que tient Draymond Green, notamment sur les Knicks, je me suis dit, est-ce que justement, c'est pas calculé, et que ce petit salopio là, en sachant que ça allait être repris, à faire des câlins en voiture, voilà, avec le coach, pendant le match, mais pendant le match, à un moment donné, enfin, merde, enfin, je sais pas, moi ça m'a gonflé. Oui, ça pose question, problème. Alors c'était, on va parler des matchs un petit peu, on va le faire en speed. Mais effectivement, on commençait par un back-to-back. Back-to-back, c'est jamais évident. Les câlins. Si, mais Mike Brown me gonfle par moment. Moi, ce côté jovial, je souris, tout ça. Ok, super. Bon, en termes de communicant, t'inspires de la good vibes, mais bon, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Moi, je veux voir un coach qui fait gagner une équipe. Et le style Thibodeau, il était rustre, il était froid, il était voilà, à des années-lumière de ce qu'on sait faire en communication. Mais je préférais ce style-là, clairement. Bon, parlons du jeu. Kings, blessure de JB, ok. Mais derrière, bah, ça a été une domination des Kings. Appelons ça comme ça, hein. C'était une domination des Kings pendant tout le match. Un peu de Lavine, un peu de DeRozan. Des joueurs, on sait comment ils jouent. Hein. Le plan de jeu, il a été étudié. Voilà, un peu de Precious Achiuwa. Precious Achiuwa, oui, rappelez-vous, il était au Knicks il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. On l'a pas gardé d'ailleurs. Peut-être que à la place de Gershon, voilà. Donc je pense que Precious, il avait coché ce match. Hein, il savait que lui, il voulait faire son match. Et il a fait des déclats. Avant le match. Après, et il a eu raison. Et il a montré aussi, il a posé sa fierté sur la table, pour pas dire autre chose. Et il a montré sur le terrain bah, qu'il était tout à fait capable de faire de belles performances. Alors bon, l'année dernière, nous, on l'a connu, ou il y a 2 saisons, on l'a connu à New York. Il avait fait des bons petits passages, mais en sortie de banc, c'était plus ou moins compliqué. L'année dernière, il n'a pas été suffisamment utilisé, et c'est ce qu'il reprochait au coach, et c'est ce que beaucoup reprochaient au coach. Et là, bah, il montre clairement que voilà, il avait une place. Alors bon, une place au Sacramento Kings, ce n'est pas une place à New York. Ce n'est pas la même ambition, ce n'est pas les mêmes minutes, ce n'est pas la même temps de jeu non plus. Une place dans la rotation, c'était... C'est une place dans la rotation, mais... Quand il jouait, quand il rentrait, et quand il avait du temps de jeu... Il montrait de l'énergie en tout cas, l'énergie, une envie, et ça collait avec l'esprit, l'ADN de ce qu'on a quand on pense aux Knicks, les équipes rugueuses et tout. Là-dessus, ça collait parfaitement. Après, voilà, en termes de shoot, c'était pas le plus grand des shooters, mais une présence au rebond, voilà, une présence en tant qu'intérieur. Un poste 4 plus qu'un poste 5, ou alors un petit poste 5. Mais en tout cas, il a donné des difficultés à ce bon vieux Karl-Anthony Towns, qui a fait un match fantomatique. Hein. Karl-Anthony Towns sur cette rencontre, 33 minutes, parce qu'à la fin, ça finit en garbage time. 13 points, 5 sur 14. Et le 5 sur 14, c'est pas des shoots de loin, on l'a dit. Hein. 0 sur 1, 4 rebonds. Il prend 4 rebonds dans ce match. Ouais, moi, sur le short, il en prend plus, quoi. Karl-Anthony sur ce match-là, il est infect. Il est infect, et surtout quand Brunson se blesse en tout début de rencontre, Là, à un moment donné, tu switches, tu dis ça y est, c'est Kat qui va mener l'attaque d'une certaine façon. C'est sur lui qu'on va miser les premières options offensives. Bon, bah ça n'a pas été le cas. Hein. Il y a des joueurs qui ont pris plus de shoot que lui, quoi. En fait, c'est... donc dont Mikal, 19 points, c'est lui qui termine meilleur scoreur. Comment on va arriver à refourguer la soupe Karl-Anthony Towns, quoi. T'imagines, cette année, il prend 53 millions. L'année prochaine, il en prend 57. Et dans deux ans, et dans deux ans, il a une option joueur, donc pour la saison 2027-28, 61 millions. Comment on va arriver à refourguer? Bah, c'est un contrat là de Giannis, quoi. Hein. Voilà, d'où le. Ouais, le sauf le que swap, Giannis, il est candidat MVP. Hein. Oui. Bah après, là, on a un 4 qui est au pire de sa méforme, donc forcément c'est pas le moment où le mec il prend 35% du cap. Oh. Ouais, mais moi, après le salaire, tu vois, le salaire, moi, une fois que les joueurs ils sont sur le terrain, je m'en fous en fait du salaire, tu vois. Mais moi, j'ai envie qu'un joueur comme ça il ait le ballon dans les mains, en fait. Mais soit à la hauteur de ce qu'on te paye, quoi. Oui, soit à la hauteur de ce qu'on te paye, soit pas frauduleux, quoi. En fait, Y a de ça, mais en même temps, bordel, mettez-lui des systèmes pour qu'il ait le ballon dans les mains, quoi. C'est pas normal qu'un joueur comme ça, il shoote une fois à 3 points dans ce match. C'est pas normal. Surtout quand t'as un coach comme Mike Brown qui veut, allez, vas-y, on shoote à 3. Pourquoi est-ce que c'est le joueur du 5 qu'en prend le moins? Moi, je te dis, il y a gros problème entre les deux. Ça se comprend pas, ça parle pas même langage... Il y a un gros problème entre deux. De toute façon, Towns avait posé les bases dès le début de la saison en disant... C'est la pré-saison. Je sais pas ce qu'on veut de moi en attaque. Ouais. Mec d'entrée, il dit ça. Et là, on est mi-saison. On est 41 matchs plus tard. Et il sait toujours pas ce qu'il doit faire. Mais ça veut dire aussi que le coach, il a pas fait le nécessaire, quoi. Non. Ou, ce que je disais, soit le coach, en fait, c'est pas clair ce qu'il veut. Soit le joueur ne comprend pas ce qu'il veut. Mais il y a un truc qui va pas entre deux, quoi. Ça ne marche pas. Les deux joueurs ne se comprennent pas. Il y a un problème. Enfin, là où, en effet... Mais tu vois, c'est marrant, c'est que limite, fin Towns jouait mieux avec Tom Thibodeau. Ouais. Alors, on sait les problèmes défensifs. Et c'est pas Mike Brown qui va les gommer, hein. Il y a les associations par moment avec Mitchell Robinson. Bon, ok, ça peut peut-être le couvrir un peu. Mais ok, si Kat est mauvais en défense en 2025, il est mauvais en défense en 2026, pas de problème. Par contre, quand il devient mauvais offensivement, ou qu'il ne pèse plus offensivement, c'est là où il est vraiment le problème. Parce que tu peux avoir un joueur qui est bon en attaque, et Karl-Anthony Towns, il est bon en attaque. Après, l'adresse, ça va, ça vient. Et s'il appuie les ballons, s'il est en bout de système, si... Bah ouais, bah du coup, tu t'en sers plus de cet atout offensif. Donc c'est ça, c'est là où moi j'ai vraiment beaucoup d'interrogations. Bon, sur le match face aux Warriors, après la débâcle face aux Kings, voilà, ça faisait tâche. On se disait, bon, les Warriors, ils vont nous ouvrir, ça va être compliqué. Le match est un peu plus accroché. Il y a une mi-temps où on tient, on est encore dans le match à la pause. Kat fait un match un peu plus digne. Bon, 17 points, 20 rebonds. Il prend ses 20 rebonds, là où il était absent dans la raquette pour les rebonds. Ouais. Je l'imaginais plus rayonnant parce qu'ils n'ont pas une grosse raquette. Non plus. Les Warriors. Bon. Je pensais qu'il allait être plus. Alors oui, tu dis, il prend 20 rebonds. Plus dominateur. C'est compliqué quand même parce que. Quand tu es en face de Quinton Post, de Al Horford et de Pat Spencer, tu te dis quand même, mec, je sais pas. Mais là, encore une fois, il y a des fautes. Il y a des fautes et c'est le péché mignon de Kat. Alors, autant il râle parce qu'il n'a pas les coups de sifflet pour lui, et autant des fois il nous fait des fautes qui sont à s'arracher les cheveux, et des fois aussi il a des coups de sifflet un petit peu forcés. Donc là, c'est le titulaire qui a le moins de temps de jeu, de par le fait qu'il a été en full trouble pendant une partie du match. Il termine la rencontre avec 5 fautes. Mais voilà, il shoot déjà plus à 3 points, il en a pris 4. Oh, formidable, et il en met 50%. Ah ben voilà. Je veux dire, à un moment donné, faut pas chercher plus loin. Bon, cette rencontre, les Warriors chez eux, l'effet back-to-back, ça joue peut-être un petit peu. On est court sur la fin du match. En seconde mi-temps, c'est là où la différence se fait. Et puis t'as un mec qui contre nous se révèle tout le temps, c'est-à-dire là, t'as un Moses Moody qui rate rien. Bon. Oui, voilà, pour changer, associé à un Curry qui sait de toute façon shooter à 3 points quand il a envie, parce que c'est sa marque de fabrique depuis qu'il est né. On a un bon Oji. Oji fait 25 points, bon, les pourcentages peut-être un peu forcés. On a un bon Mice, McBride, Juice, 25 points. Alors lui, cette saison, il performe, et cette saison, il shoot, hein, 12-3 points. Lui, il n'a pas de problème pour les prendre. Bon, 6 sur 12, hein, bon pourcentage au demeurant. Mikal, 21 points. Donc là, on a finalement le titulaire qui fait un peu défaut, c'est Josh Hart. Hein. Josh Hart, 5 points, l'adresse, elle n'est pas là, 1 sur 7. Bon, il fait 10 passes, mais c'est un peu plus compliqué pour Josh. Spoiler, il va louper le match d'après, donc il y a peut-être aussi des petits pépins physiques, il n'était peut-être pas au top de sa forme. Le banc, bah Clarkson, 11 points, mais des pourcentages un petit peu douteux. Et puis Chamet qui revient, 6 points, des pourcentages un peu douteux, mais un retour à la compétition. Bon, on va pas tirer sur une ambulance. Et puis c'est à peu près tout, parce que bah, Collet, il vous fait 11 minutes, mais 0 points, 5 passes, ouais, voilà, c'est peut-être un petit peu timide. Dommage, on se fait cueillir un petit peu par des Warriors qui avaient un peu plus d'assurance en jouant chez eux, avec des joueurs de caractère, et puis un Moody bah, qui nous fait le match que d'autres nous font avant, comme d'autres font souvent face aux Knicks. Bah ouais. Retour à la maison, fait des Knicks en mode revanche. On s'était fait battre par eux à la maison. On pensait voir un retour de GB, il était questionable, on se dit « Ah, et qui revient !» Et Hart, qui est pareil, on a l'info en début de journée en mode attention, John Brunson questionable et Hart aussi. Et Hart, pourtant, enfin. Yeah, et, oui. Puis finalement, le rapport de match tombe et les deux sont out. Et alors, est-ce que c'était pour préserver? Parce que tu as quand même eu un long voyage retour, donc peut-être que pour préserver les corps, donc tu te dis peut-être. C'est fatigant, c'est vrai, hein. Tu passes quand même du fin fond de la côte ouest à revenir sur la côte est, compliqué. Donc, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit peut-être qu'ils ont un petit peu ménagé la chèvre, le chou. Et c'est Modiawara qui a starté. Ça arrive de temps en temps, et là, pour le coup, c'était le moment. Bon, Modiawara, c'est titulaire, mais que 12 minutes. Donc, dit autrement, c'est un petit peu une titularisation de façade. C'est pas un temps de jeu qui... Il récupère pas les minutes de Josh Hart. Loin de là, il récupère même pas la moitié des minutes de Josh Hart. Donc bon, c'est un profil intéressant pour autant, parce qu'il est longiligne et il peut aider en défense de par sa présence. C'est un rookie qui a envie de montrer des choses. Mais un qui est bien retombé aussi et qui s'est bien fini la... McCullar. Non, Tyler Collect. Waouh. Et lui, le mois de décembre, il a eu 2 semaines mi-décembre. Fin décembre, 2 semaines là où c'était la sensation. Et là, et wow, malheureusement, c'est dur, hein. Il profite plus de l'absence de Brunson. Brunson et le retour de McBride. On a vu que McBride avait repris sa place. Hein. Juice, il performe et bah, naturellement, il passe devant Collect. Mais là, quand il n'y a plus de GB depuis 3 matchs, bah, finalement, Collect, il a quelques minutes. Mais c'est quand même plus discret. Là, sur le match face à Phoenix, c'est 17 minutes. C'est un temps de jeu significatif tout de même. Il fait quasiment un carton, plus d'un carton de temps de jeu. Moins 17 au plus minus, quoi. Moins 17, le pire. Non, il n'y arrive plus. Il n'arrive plus. Il perd des ballons alors qu'il n'en perdait pas. Que c'était plutôt sa marque de fabrique de ne pas perdre de ballons et de distiller de bonnes passes, quoi. Là, il fait plus de passes. Il perd des ballons. Des fois, il fait des passes, il assure pas. Lui, c'est dommage parce que en termes d'animation offensive, c'est plutôt intéressant d'avoir ce type de profil, mais en ce moment il est pareil. À l'image d'Enix, il est dans une période de creux, il n'arrive plus à retrouver son basket. Alors c'est marrant parce que Kevin McCullar, il a aucune stat, mais en plus Magnus, il y a moins 1. Parce que ben, en fait, c'est vache. C'est l'homme. Pour 5 secondes, c'est très vache. C'est l'homme des 5 secondes. 5 secondes ouais. en première mi-temps. Et je crois qu'après, il y a eu 12 secondes dans la fin du troisième quart. J'ai loupé ces 12 secondes. Ouais, ouais, seconde. Si, il est rentré 12 secondes pareil à la fin. Donc, l'homme des fins. Tu vois, c'est l'homme clutch. C'est lui qui doit faire le stop. Non, mais à quoi ça rime? Moi, ça, je comprends pas ces rotations-là. À quoi ça rime? Ah, c'est pour éviter qu'un joueur prenne des fautes, tu mets un profil défensif en mode un peu line-up défensif de foot US. Ah, pour 5 secondes voilà, quoi. Pour 5 secondes avec une remise en jeu sur la... Puis limite, mais Mo Diawara, tu vois, tu l'as fait starter, il est grand, il va défendre. Au pire, il fait une faute, tu dis, ah, c'est un rookie, mais il apprend le métier. Enfin, oui, bah c'est Mike Brown. Mike Brown, il nous fait pas du Thibodeau. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah bah ouais, c'est mieux maintenant. Et Mo Diawara, en plus, enfin sur le match, donc il joue surtout en premier, il joue quasiment tout le premier quart. Il joue un tout petit peu dans le 3. Il a pas de réussite au shoot, mais il est pas scandaleux, quoi. Mais alors, il donne de la volonté, il se défend, et puis, je veux dire, il rate un shoot, il rate deux shoots, il rate trois shoots, mais il continue à les prendre, il est ouvert, il les prend, il se cache pas. Mais le il n'y a mec pas cette timidité qu'on peut avoir chez certains rookies, parfois, on en a eu au niveau des Français. Non, il essaye de montrer des choses. Après, les soirs où il sera en adresse, alors après, que le coach le sorte parce qu'il n'est pas en adresse, pourquoi pas. Mais même quand il est en adresse, il le sort. Même quand il est en adresse, il le sent. Donc, il veut lui faire goûter un petit peu la NBA. Lui faire... Ouais, mais à un moment donné, si le mec, à un moment donné, il est en train de bien jouer, je m'en branle, moi, que tu dises, oh, mais je veux juste un petit peu qu'il goûte. Si le mec, il joue bien, laisse-le sur le terrain. Non, parce qu'il y a des statuts. Et puis, il apporte des choses différentes. Il y a des statuts, il faut que lui joue tant. Ah, tu sens qu'il y a le statut Clarkson aussi, en sortie de banque, pour avoir son temps de jeu, quoi. Ah ouais, non, mais Clarkson... Bah, sur ce match, il n'est pas bon. Hein. 22 minutes, donc lui, il a des minutes. Hein. 6 points, 2 sur 8, 1 sur 4, 3 rebonds. Bon, il y a de l'expérience, donc tu te dis, si ça ne marche pas en première mi-temps, peut-être que ça marchera en deuxième. Bon, bah, ça n'a pas été le cas pour ce match-là. Et c'est vrai que sur le banc, bah, c'est compliqué. 5 points de Chamet aussi. Le banc. Face à une de ses anciennes équipes. Le banc est une déception, en tout cas. Depuis le début de l'année, le banc. 2 points, et même Mitch. Hein. Mitch, c'est 1 point. Hein. 1 point. Alors, il y a 10 rebonds. Après, oui, Mitch, on jamais aime été, la présence défensive. Mais... Après Mitch, ça, tu lui demandes pas de marquer des points, tu demandes de faire les boueurs, de défendre, de prendre des rebonds. C'est ce qu'on lui demande. Un bon match de Mitch, c'est 10 rebonds. Moi, j'attends pas de Mitch qui soit en double-double. C'est pas du tout ça, j'attends pas ça de lui. Mais à côté de ça, t'as comme tu dis. Dissuasion, interception, rebond. Non, mais à côté de lui, il a des mecs qui eux doivent scorer. Des Clarkson, ça doit scorer. Et ça doit arrêter de vouloir prendre des pull-up à 3. C'est pas ton job, mec. T'es pas bon à ça. Toi, t'es bon. En fait, dans ce match, clairement, il nous manque les Brunson et Hart qui font qu'on aurait eu l'apport des points en sortie de banc de McBride. Bah ouais. Ça, en fait, quoi. Donc, non, mais après bon, évidemment... un match disputé quand même. C'était pas le match le plus honteux. Progressivement, en fait, dans la semaine, on a fait le match le plus pourri face aux Kings, clairement. Après, ça a été. On a tenu une mi-temps, on a tenu trois quarts-temps. Voilà. Le prochain match, spoiler peut-être pour un prono, on va tenir les cartes. Il manque du monde à Dallas. Hein. Il manque du monde à Dallas. Donc, si on le prend pas. On va pas gagner. C'est attends, ouais, parce que là, ils vont envoyer l'équipe G-League. Hein. Donc, si on met pas Roost et qu'on se rassure pas, c'est. Bon. Ah, oublions cette semaine catastrophique qui était oubliée. C'est en mode un peu Men in Black, on met le truc là. Tchoum, voilà, vous avez vu le flash, on oublie. On a perdu 3 matchs, on en perdra plus 3 par semaine, c'est fini. Donc, voilà. Mais il faut quand même qu'on sorte un joueur de la semaine pour faire le bilan. Et alors là, c'est bien compliqué. Parce que JB, d'habitude, c'est un peu notre valeur sûre. Même quand l'équipe va pas, JB performe. Bah ouais, mais JB, là, il se baisse, il joue que 5 minutes. Ça va être compliqué de sortir un Jalen Brunson en joueur de la semaine quand il a mis 4 points et qu'il a fait que 5 minutes. Karl Anthony Towns, on l'a dit, il a pas step up, il a pas pris l'équipe. On a eu un intérieur qui a brillé, un intérieur qui a brillé, qui a su prendre ses responsabilités, je veux dire. Qui s'est montré, peut... qui a parlé et qui a assumé. Ouais. Voilà. Et cet intérieur, il aurait mérité même, tu vois, de faire partie de la brochette des 50 légendes au Madison Square Garden. C'est vrai. Pour le Homecoming. Mais il pouvait pas. Il aurait mérité, mais il pouvait pas parce qu'il avait. Il le saura peut-être. Il y a Max Whitney. Des obligations professionnelles et cet intérieur qui va pour cette semaine obtenir, et c'est inédit, hein, attendez-vous, accrochez-vous bien, ce titre de Nick of the Week by Ken FTV, CCC, roulement de tambour, Precious Achiuwa. Precious! Once a Onyx, always Onyx. Il y en a un qui a performé cette semaine de façon limite carrière high. Eh ben bravo à lui. Alors ok, il jouait pas dans l'équipe des Knicks. Dommage. Mais il y a pas si longtemps que ça, il jouait dans l'équipe des Knicks. Et on l'aurait eu peut-être cette saison, bah peut-être que ça aurait apporté. Donc voilà, un peu de façon inédite, un peu comme Jerry West qui était MVP de la première finale NBA perdue par un MVP. Eh ben voilà, on décerne pour une fois le trophée sur Nick of the Week. Et j'ai envie de dire que ça pourra faire peut-être jurisprudence. Peut-être qu'un jour, encore, on aura un joueur de la semaine qui... Si un ancien Nick. Alors, faut qu'il soit Nick, hein, sinon ça compte pas. Ah oui. Mais si on est vraiment nul et qu'il y a un ancien qui nous fait la misère, eh ben voilà, c'est eh ben pourquoi pas. À lui qu'on remet la couronne. Voilà. Dire, c'est pas ce qui manque, hein. Des Julius, des Dante, des Hartenstein, je veux dire, c'est pas ce qui... C'est... Des Zvi Mikhailuk, qui est titulaire, Zvi. Ouais, alors là, faut peut-être pas pousser. IQ, des RG Barrett, je veux bien, mais Zvi... S'il met un 50 points, bah... Il est titulaire à 8 ans, le mec, attends. Ouais, ouais, ils ont le même bilan que nous sur les 10 derniers matchs, de 8. Hein, pas bien. Tu vois, au final... Ah, c'est sacrément bon. Bah voilà, c'est ainsi que s'achève notre rétrospective. Hein. On va passer la suite à la nouvelle semaine. Ouais. Et c'est un inédit. Il aura fallu attendre le 143e épisode pour voir un joueur adverse obtenir le titre de meilleur nick de la semaine. Et ben oui, pourquoi pas. Bah bien sûr. Non, allez. Bien sûr. Non mais c'est évident. J'ai envie de dire que cette semaine passée, elle est passée et que le passé appartient au passé et que maintenant on se projette sur l'avenir. Allez. C'est parti, on regarde ce qui se présente cette semaine chez les Knicks. On le fait speed. Alors, on se projette rapidement sur cette semaine, c'est une petite semaine. On regarde le classement très vite, parce qu'il nous fait mal. Il nous fait mal au cœur, il nous pique les yeux. Les Knicks sont glissés, les Knicks sont troisième. Alors auparavant, c'était un petit peu la guéguerre avec les Boston Celtics. Bah oui, bah cette fois-ci, on compte deux matchs de retard sur les Boston Celtics. On a 17 défaites. Les Boston Celtics en ont 15. Voilà, il y a un problème. Et les Raptors en ont 19. Et les Cavs... Ils ont perdu cette nuit. Ils ont perdu cette nuit, les Raptors. Heureusement. Ouais, ouais, mais les Cavs remontent et sont maintenant dans le play-off. Eh bien, 24-19. Ils vont être là. Les Sixers qu'on va retrouver en viewing, ils sont pas très loin non plus. Le Magic qui a été joué à l'étranger, bah ça leur a pas trop réussi. Et eux ont glissé dans le play-in, tiens donc. Le Heat, voilà, comme d'hab, play-in. Les Bulls aussi, les Hawks, voilà, vous savez. Bref, on parlera, vous avez ça sous les yeux. À l'Ouest, tu veux qu'on en parle ou pas? Est-ce qu'on a des équipes de l'Ouest au planning cette semaine? Bah oui, un peu. Quelques-unes, ouais, si, on peut vite fait. Parle-nous-en un peu. Et entre autres, alors, c'est Dallas Mavericks. Alors, actuellement, donc, à l'ouest, on a les Oklahoma City Thunder qui sont premiers toujours et qui vont mieux. Les San Antonio Spurs, pareil, donc deuxième avec un bilan de 29-13. Troisième, et d'ailleurs, Denver. Petite pause. Oui. Wemby s'est rasé parce qu'ils ont perdu. Est-ce que les Knicks doivent raser leurs cheveux aussi, leurs tresses, tout ça? Est-ce que Kat, il doit arriver tout rasé, vous la Z? Il y a peut-être. Il y a un team meeting. Le barbeur, il va passer, il va raser tout le monde. Ouais, mais. Parce que. Ah, ça marche que si t'es Shaolin. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. Il a quand même un passif, justement. Il est allé dans le Tibet. Il est allé faire de la sophrologie. Et donc, du c'est coup. Ça, c'est ça. Ok, il faut envoyer l'Enix au Népal, dans le Tibet. Au Tibet, je ne sais où. Et puis, d'accord. Ok, ok. Eh oui. Non, mais toi, tu rigoles, mais... Mais Josh Hart qui se rase la tête, Gershon qui se rase la tête, JB qui se rase la tête, Kat qui se rase la tête. Ouais. OG, y a pas de problème. Oui, si. Bon, y a quoi d'autre à l'ouest, à part des Shaolin? Denver. Donc, Denver qui est troisième. Et Denver qui limite bien la casse, hein, avec leurs blessés, notamment Jokic. En attendant le retour du jockey qu'on va croiser dans pas très longtemps, au Madison. Normalement, ouais. Ouais. Ensuite, Minnesota avec un 27-16. Ils ont eu une double confrontation avec les Spurs. Ils en ont gagné, ils en ont perdu une. D'ailleurs, avec un gros match de Hunt. Ensuite, on a donc les Houston Rockets en 25-15. Les Lakers, ça va très mal. Bon, là, ils ont gagné cette nuit, mais ça va très mal aussi à Los Angeles. 25-16. Et ensuite, play-in. Donc, on a les Phoenix Suns, 25-17. Les Golden State Warriors en 24-19. Les Portland Trail Blazers qui sont, ça y est, à l'équilibre, 22-22, ils sont sur une série de 3 victoires consécutives. Et le Memphis Grizzlies qui en a collé une énorme dans le match de Londres hier contre le Orlando Magic avec un très gros Ja Morant et qui est en 18-23. Et au même bilan que les Clippers qui sont sur 5 victoires consécutives, ça y est, les Clippers aussi ont mis la machine en route. Ils sont avec le même bilan que les Grizzlies, 18-23. Ensuite, on a donc les Dallas Mavericks, le Utah Jazz, les Sacramento Kings et la Nouvelle-Orléans, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Voilà un petit peu le classement de l'Ouest qui se dessine. Et certains sont en train de retrouver la forme. Donc attention, les Clippers, ça va remonter. Hein, ça va, surtout si les Grizzlies, il y a des trades, Les Clippers, ça va faire le play-in. Et attention, ça va pas être une équipe qu'il va falloir prendre au play-in. Ça va être comme quoi une méforme peut être passagère et puis derrière retrouver un petit peu d'embellie. C'est tout ce qu'on souhaite aux Knicks. Allez. Ça va se produire cette semaine. Bah écoute, il y a 3 matchs, c'est pas trop. Ça se passe plutôt du côté de la côte Est. Et ça va commencer par 2 matchs à domicile. Normalement, les Knicks à domicile, ça marche mieux. Bah, il va être temps de le reprouver. Et pour ça, on va commencer par le MLK Day. Ça va commencer ce soir à 23h. Et oui, un petit peu une sorte de prime time français. Il y a plein de matchs. Les Knicks sont pas en ouverture. Et ils reçoivent les Dallas Mavericks. Bon, on va parler un petit peu, tu vas dire un petit peu l'état de leur infirmerie, qui est assez long. Et puis, on va voir un petit peu s'il faut avoir peur de ces taureaux. De ces taureaux, qu'est-ce que je raconte, de ces chevaux. De ces chevaux. Je veux dire, ce taureau ailé, bon, rien à voir, Dallas Mavericks, c'est un cheval. Bref, après, on aura dans la nuit de mercredi à jeudi la réception des Brooklyn Nets. Bah oui, est-ce que Michael Porter Jr. va être All-Star et que Karl Anthony Towns ne va pas l'être? On verra, en tout cas, il y en a un qui performe à un titre individuel. Normalement, les Nets, ça ne doit pas nous poser de problème, mais bon, sur un faux pas, on ne sait pas. Est-ce que en ce moment. Moi, ça ferait très tâche de perdre. Je dirais rien sur les Knicks, quoi. Oui, je dirais pas en mode. Ça risque de gronder au bout d'un moment. Ça risque de gronder. Et puis, pour finir la semaine, on vous l'a dit, notre affiche de la KNF Viewing Party. Un petit déplacement. On descend du côté de la cité de l'amour fraternel, Philadelphia, pour rencontrer. Bah, ceux qui nous ont mis déjà 2 défaites avec Tyrese Maxey, Quentin Grimes, Paul George et l'affreux Jojo, l'affreux Joel Embiid. Donc méfiance, il y a peut-être de la revanche dans l'air. En tout cas, Philadelphie, c'est une ville que nos Nova Boys connaissent bien. Il serait bon ton d'aller chercher une win à bout d'un moment face à ces Sixers. En tout cas, voilà, c'est le programme de la semaine et ce match aura lieu donc samedi à 21h. Donc on a 2 matchs à des horaires à peu près corrects. Ça va permettre de dormir un petit peu cette semaine. C'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Non, c'est 3 matchs, 2 à la maison, 1 à l'extérieur. Bon, tu nous donnes ses formes et méformes, l'état des blessures de tout ce beau monde-là. Vite fait. Alors, actuellement, donc, j'ai l'ordinateur qui rame de fou, donc compliqué, mais... Il veut plus qu'on parle d'Enix, l'ordinateur. Au niveau des joueurs, on a annoncé out chez le Dallas Mavericks, Daniel Gafford, D'Angelo Russell, PJ Washington, et Cooper Flagg, qui est pour l'instant questionable contre les Knicks. Et Anthony Davis. Anthony Davis, Derek Lively, Kyrie Irving, et Dante Exum. Rien que ça. Là, je savais plus qui jouait à Dallas. Okay. En gros, ils ont leur roster qui est HS. Voilà. Donc, ça doit permettre d'espérer tirer un bon bilan face à Jason Kidd, qui n'a pas pu être récupéré en tant que coach des Knicks. Voilà. Et okay. Donc, eux, actuellement, voilà, punaise, mon ordi, c'est la misère. Actuellement, au niveau de leur forme, allez, mon petit gars. Sur les 10 derniers matchs, moi, j'ai un 5-5. Selon Google. Et il serait sur une série de 2 victoires. D'accord. Selon Google. Voilà, c'est ce qu'on m'annonce dans mon oreillette. Oui, exact. Mais je sais pas contre qui ils ont gagné, j'ai pas fait gaffe. Alors, sur leurs 5 derniers matchs, ils sont en 3-2. Ils ont perdu contre Chicago, ils ont perdu contre Denver, mais ils ont gagné contre Brooklyn et ils ont eu une double confrontation à la maison contre Utah. Et ils ont gagné à chaque fois 144-122 et 138-120. Donc, grosse roustasse. Et à chaque fois, avec un Klay Thompson, meilleur marqueur du match. Donc, tu vois. Mais voilà, il leur reste quand même du Naji Marshall, le petit Nembhard à la main. Voilà, donc écoute, ça doit normalement être une équipe. Ne les prenons pas à la légère, mais ça doit être à la portée des Knicks, normalement. Sinon, on va commencer à virer en mode crise, quoi. Ouais. Avec autant d'absents. On peut pas, c'est pas possible, quoi. Alors, ensuite, concernant nos amis Brooklyn, et tu sais quoi, je vais faire ça sur mon téléphone, ça va aller plus vite parce que là, mon ordinateur, c'est une catastrophe. Alors, moi, je vois un bilan de 2-8 aussi sur les petits derniers matchs, comme nous. Ils auraient Michael Porter Jr. qui serait out, Haywood Highsmith out, Zaire Williams out et Drake Powell out. Donc bon, ça leur fait quand même pas mal de gens qui leur manquent. Zaïre pas mal Williams de joueurs qui seraient, pourquoi pas, dans des rumeurs de trade. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Pour l'instant, écoute, je me fie à certains insiders. Je me suis là sur mon compte X. Je me suis abonné à tous les insiders fiables. J'ai dit à Chat, j'ai peut-être donne-moi les insiders fiables de chaque. C'est comme 10. Comme nous, c'est Yann Begley, tu vois, chez Enix, ou t'as également Fred Katz, qui est aussi fiable, ou Stephen Bondy, qui est fiable aussi. Donc, donc des mecs comme ça. Et donc, si bien que ça m'a, à chaque fois, il m'a sorti un type ou deux, je me suis abonné à leur page pour justement avoir des informations fiables et pas des trucs, tu sais, récupérés par des obscurs sites. Voilà, enfin, donc. Donc, si vous voulez la liste de Seb, de ses insiders, de ses sources, envoyez-lui un petit message sur les commentaires de la vidéo, il se fera un plaisir de vous envoyer. Ou vous allez sur ma page X et vous regardez les noms des mecs, vous allez voir si c'est un nom américain. C'est... Alors eux, écoute, ils sont pas mal. Sur leurs 5 derniers matchs, ils sont à une victoire pour 4 défaites. Ils sont comme nous, hein. C'est ça le pire, c'est qu'ils sont comme nous. Ils sont sur 8 défaites pour 2 victoires. Pas les mêmes objectifs à la base. On n'a pas les mêmes objectifs. Ben non. Donc ils ont perdu contre Chicago, mais qu'ils avaient gagné. Donc une sorte de double confrontation. Je te gagne, mais tu me gagnes. Derrière, ils avaient perdu contre les Pelicans, ils avaient perdu contre Dallas, ils avaient perdu contre Memphis, contre les Clippers, contre Orlando. Enfin bref. Avant de nous jouer, ils vont jouer Phoenix. Ce qui est un petit peu, j'ai envie de te dire, le passage obligé des équipes quand elles viennent à New York. La tournée new-yorkaise, quoi. C'est ça. Et donc ils vont jouer Phoenix. Et après d'ailleurs, ils nous joueront nous. Voilà un petit peu pour la forme de nos amis. Back to back. Non. Et ils ensuite... auront juste à traverser le pont. Ça fait pas un gros déplacement, on le sait. Et non. Philadelphie alors. Est-ce qu'ils vont bien ou pas? Ils sont comment les Sixers? Alors les Sixers. Après, il faut voir si eux ils sont en back to back parce que pour le coup, on sait que Joel Embiid ne peut plus aller jouer. Ces genoux-là en empêchent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont actuellement au niveau donc des blessures? J'ai vu d'ailleurs qu'ils envoyaient... c'était Jared McCain, leur rookie de l'année dernière, qui faisait un super début de saison, mais qui s'était pété, et donc alors qu'il était dans la course du rookie de l'année. Hein, il l'a envoyé en G-League. Besoin de retrouver un peu... le rythme de la compétition, sûrement. Alors, écoute, en day-to-day, on a Joel Embiid et Paul George. Mais ils sont annoncés, normalement, participants du match contre les Pacers. Donc, j'imagine que leur futur match, c'est les Pacers. Je viens de vérifier, ils seront en back-to-back, ils jouent les Rockets la veille. Ah. Donc, il y a un des deux matchs. À voir quel match ils vont choisir. Eux, ils auront 4 matchs cette semaine. Ils jouent donc Indiana, ils jouent Phoenix, ils jouent Houston et ils jouent New York. Ils jouent 4 matchs. Donc, tu dis qu'il y a un back-to-back contre donc Houston, New York. Mais ils ont annoncé contre Indiana, donc Embiid, et je pense que c'est juste comme ça des annonces, mais ils ont leur roster complet. Et actuellement, écoute, ils sont sur 2 défaites consécutives contre Cleveland. Et donc ils sont sur les 5 derniers matchs, ils sont en 3 défaites pour 2 victoires. Ils avaient gagné contre Orlando et contre Toronto, et ils avaient perdu contre Toronto et les 2 matchs contre Cleveland. Voilà un petit peu... pour le tour des adversaires, bon, les 2 questions, le pronostic qui va venir, et puis finalement tout le monde avait perdu dans ce pronostic. L'affiche immanquable de la semaine sur ces 3 matchs. Philadelphie. C'est laquelle? Bah oui. Les Sixers, en plus, c'est la viewing party, c'est l'adversaire qu'il se veut être le plus fort à rencontrer par les Knicks cette semaine. Des fois, on a des surprises, des mauvaises surprises, mais en tout cas, oui, on est d'accord, c'est l'affiche immanquable. Maintenant, le pronostic, 1, 2, 3 victoires, 1, 2, 3 défaites. Ça a bien fini t'étais par sur ça un 2-1, t'étais sur un 3-0, mais c'était un 0-3. Ça allez, a bien fini. Honneur à toi pour le pronostic. Ça va bien finir par s'arrêter, allez. 3-0, on gagne les 2 matchs contre Dallas, contre Brooklyn, et on a l'équipe là qui revient, on a JB qui revient, on a Hart qui revient, on a les joueurs qui se sont parlé, on a quelque chose qui est en train de se relancer. On peut pas rester comme ça, Je veux dire, si on est à 0-3, c'est bon quoi. Dégager tout le monde à la deadline, ça ne marchera pas. Non, c'est pas possible. Je refuse de croire qu'on n'arrive pas à relancer la machine. Je pense que ces matchs contre Dallas et contre Brooklyn vont nous faire du bien. On va arriver à relancer quelque chose. Tu vois, t'as besoin des fois, tu sais, d'avoir des victoires, certes, contre des équipes décimées, mais ça va nous faire du bien au moral de revoir le ballon qui rentre dans le cercle. Et allez, ça relance. Cette semaine relance quelque chose. 3-0 Knicks. J'aime ton optimisme. J'aime ton optimisme. Bon, je vais te suivre ou je vais pas te suivre? Dallas, faut gagner. Brooklyn, faut gagner. Philadelphie, faut gagner. Donc je vais partir aussi sur un 3-0, même si c'est peut-être ce dernier match qui pourrait faire la bascule, un 2-1, oui. Parce que non, voilà, l'adversité elle est plus forte. Ah oui, mais les Knicks ont perdu déjà deux fois. Il faut à un moment donné aussi commencer à assumer son statut. Sinon, ça va devenir vraiment très inquiétant. Et puis, on a lâché beaucoup de jokers dans cette série de défaites. Donc non, il est temps de gagner face aux Sixers en termes d'opposition directe. Et puis, qui dit pas qu'on va les retrouver au printemps prochain. Donc, ouais, il va être temps de remettre les choses au clair. Un retour de Brunson, je pense que là, c'est bon. Voilà, le questionable, c'était peut-être pour ne pas reprendre trop vite. On va être au Garden, il y a moyen de se rassurer. Donc ouais, on va se suivre. 3-0 aussi moi, pour moi cette semaine. Et puis si on a un bilan qui est 0-3, ça va râler sévère la semaine prochaine. Hein, oui. Et puis en plus, il y a une viewing party. Non, c'est pas possible. Non, on veut pas savoir. Donc dites-nous en commentaire comment vous voyez les Knicks. Est-ce qu'ils vont rebondir enfin ou pas? Est-ce que la crise couve et est-ce que c'est le drame qui arrive très très vite? Ou au contraire, est-ce qu'on rebondit? On retrouve des sensations et des résultats. Dites-nous tout ça en commentaire. Nous, on vous souhaite une très bonne semaine. On vous attend samedi. Et puis, on vous dit à lundi prochain, même endroit, même heure. Ciao, ciao! Bonne 3-0, semaine! 3-0! Allez, let's go, Knicks!